up. You know the story gets better if you know how to look. I can't believe that that was really me. Won't you tell me everything you see? What did I do? What did I know? When I rock this world 25 years ago, somebody shut that I didn't choose, but the fans were screaming, so I couldn't refuse. Record company said to us, thank you, man. Then they threw us right into the garbage can. But the good people listened and they pulled us through. I was number one in 1990. Up the walls, won't you hear me? Taking too many falls. I got the scars putting in my time. Started out around 89. It took me 3 years to find my groove. Felt like pushing on a stone that wouldn't move. I've been moving way too fast, just blowing crowds of people saying it wouldn't last. Somebody shut that I didn't choose, but the fans were screaming, so I couldn't refuse. Record company said to us, thank you, man. And they threw us right into the garbage can. But the good people listened and they pulled us through. I was number one in 1992. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock Faux Show de 19h. C'est vrai que c'est chaud. Ouais, et Tom il sent plus, il a pris un coup de chaud, et oui, il fait très très très très très très chaud à Paris. On va vous réchauffer un peu, vous, là-bas au Québec. On a eu le boss au téléphone tout à l'heure, il nous a dit qu'il faisait pas chaud et qu'il faisait pas terriblement beau. Bah nous on a un grand soleil et puis on prend les couleurs plus qu'autre chose quoi. Alors ce soir, une émission de 19h30 à 21h30, 100% zik nouveauté. Nous n'avons pas d'invité, à part Tom qui va nous piquer quelques délires de temps en temps. Ah, Tom ! Pousse ! Ah ouais, il est là. Il est là. Bon, nous avons commencé cette émission donc par des nouveautés, puisque l'album ne sortira que le 7 juillet. Ah ouais ? Allez, ouais, quand même, on est pas rendu. Plus d'un mois, hein, plus d'un mois d'avance. Chez un Frontiers, mois, une semaine, moins un jour. Chez Frontiers, l'album s'appelle Defying Gravity. Et c'était Mr. Big 1992. C'était bien cool, franchement. Ouais, c'est bien, hein. C'est bien. C'est comme ce qu'on entend en ce moment, mais que vous connaissez tous. Attends, j'ai pas fini. Ou presque. Tu pourrais me laisser finir, quoi. Hein ? Sur Mr. Big. Yeah. Parce que c'est pas fini. Alors toi, t'es Mr. Big aussi. Ah ouais, vas-y, ah, vas-y, raconte. Moi, j'ai beaucoup de manchettes ce week-end. Ah non, j'ai pas mangé tant de viande que ça. J'ai vu, on va dire, j'ai... Tu regrettes? J'ai plus bu que plongé, peut-être. Ah, t'as plus dire plongé, ça. Ouais. On peut peut-être dire ça. Ce même week-end, si, il était noyé dans le pamplemousse. Le rose et pamplemousse. Même pas. Non, même pas. Non, bon. Non, bah, je sais pas. Ouais, j'étais plus. J'étais plus soublon, moi. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah voilà, c'était notre petit barbecue du week-end. C'était bien fun et on salue les personnes qui nous ont accompagnés. S'ils nous écoutent ce soir, les charmants jeunes filles, j'ai passé un bon moment avec vous. Ouais. Ouais. Bah, ouais, merci, sympa. Merci pour l'invite, Mr. Patron. De rien. Merci, patron. De rien, de rien. Merci, ouais, patron. On va peut-être parler de musique, hein, parce qu'ils en ont rien à foutre de ce qu'on a mangé. Ah, merci, patron, c'est de musique. Ça. Ouais, mais bon. moi, j'aimerais bien qu'il fasse beau ce week-end, donc je voudrais pas que tu chantes. D'accord, c'est pas prévu. Bon, allez, c'est le 9e album de Mr. Big. Il contient 11 titres. Il y aura une édition spéciale, édition limitée, je pense. Comme à chaque fois chez Frontiers. Le groupe s'est formé en 1988 aux États-Unis à Los Angeles. Pardonnez-nous du peu. Avec Billy Sheehan, Paul Gilbert, Pat Torpey et Eric Martin. Donc vous voyez, que du beau monde. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe lui est beaucoup plus vieux. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux. Et il s'appelle Deep Purple. Et pourquoi on les passe ? Parce que je crois qu'ils seront en concert bientôt. Yes, c'est-à-dire ils ont sorti leur dernier album le 7 avril 2017, c'est-à-dire il y a deux mois, tout juste. Trois, même. Excusez-moi du peu. Et il s'appelle Infinite. Yes, chez Infinite. Air Music. Chez Air Music. Et ils seront en concert. Vas-y. Après-demain, au POPB. Ouais. Enfin, moi, j'ai marqué POPB, mais on s'en fout. Non, j'ai pas envie de dire l'autre nom. Non, t'as marqué Bercy. T'as marqué Bercy. Ouais. Et moi, je dis POPB. Voilà. Et on s'en fout de l'autre nom parce qu'ils nous font chier. Mais oh. Tu vas pas aller à l'hôtel. Paris, Palais Omnisport de Paris-Bercy. Moi, c'est comme ça que ça s'appelle. Et pas autrement. Non, mais oh. Y'en a marre, hein, de tous ces changements qui servent à rien. Tout mais ça non, pour engrosser. C'est du sponsoring. Bah ouais, mais. Mais regarde, partout, ils font. C'est la mode anglaise, américaine, ils font ça déjà. On s'en fout. Sachez qu'ils seront également tête d'affiche ou pas loin de. Non, c'est plus, ils sont pas tête d'affiche, mais ils seront au Hellfest. Pour parler du Hellfest, sachez que Wasp a annulé sa participation et ils seront remplacés par Dee Snider. Alors, c'est pas Twisted Sister, mais ce sera Dee Snider. Comme de toute façon, ils ont remporté un grand succès l'année dernière, je crois, Twisted Sister, pour leur tournée d'adieu. Eh bien, vous retrouverez Dee Snider avec son nouvel album et son nouveau line-up. Voilà, hein, pour les petites choses. Et puis, sachez que Blackie, il paraîtrait qu'il soit très, très, très malade. Donc, bon établissement, monsieur Blackie Lawless. Nous allons enchaîner avec des nouveautés. Pour commencer, une qui nous vient d'Allemagne, qui sortira également le 7 juillet, mon cher Tom. Yes, Orden Hogan. Et tiré de l'album Gunman. Et le titre que je vous propose de découvrir, c'est le titre éponyme Gunman. Bravo. Ça sort chez AFM. Mais tout le monde sort le 7 juillet. Ouais, bah c'est les sorties du 7 juillet. Tout le monde le sait. Attends, parce que. Non, certains labels. C'est pas. Je vais pas dire 7 juillet. Non, mais il doit y avoir une sortie le 7 juillet. Ouais, ouais, c'est du 7 juillet. Ça tombe à quoi, tiens, mais... d'ailleurs. Cherche-moi, comme ça, pendant que tu t'occupes, moi je peux parler. J'en ai pour deux secondes, mais là, les trois titres qu'on a entendus, ils sont tous à 7-17. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est les Power Metal Mélodiques. Ce sera un vendredi. Bon, c'est la sortie du vendredi pour que tu puisses les acheter et après les écouter pendant tout le week-end. Tu comprends? Tu comprends? Ouais, c'est la finalité. Moi je serai en vacances, moi aussi je serai en vacances. Sous la plage. D'accord, bon. Tom est déjà parti dans sa tête. Donc, c'est un groupe allemand de power metal mélodique. Cinquième album du groupe. Cinquième album studio, bien entendu. Il contient 10 titres pour Orden Hogan. Le groupe s'est formé en 1996. Nous continuerons avec un groupe qui s'appelle Alestorm. Alors, attention, c'est le Alestorm avec un A et non pas avec un H. Ce groupe est écossais et ils font du pirate metal. Eh ouais! Hein, ça pirate! Pirate, voilà, c'est ça. L'album s'appelle No Grave But The Sea. On devait vous en passer un titre la semaine dernière, je crois, et puis on n'a pas pu. Et donc on vous passe le titre éponyme toujours, No Grave But The Sea, sorti chez Napalm Records le 25 mai dernier. C'est le cinquième album aussi du groupe. Le groupe est écossais, ils nous font du heavy metal pirate, comme je vous le disais. Mais c'est plutôt de l'épique, moderne, symphonique, folk metal. À tes souhaits. J'espère que tu as suivi, toi, auditeur. Le groupe s'est formé en 2007 et ils joueront au Hellfest le vendredi 16 sur la Temple de 1h du matin à 2h du matin. Et bonne nuit, les petits. Ouais. Bonne nuit. Et le Hellfest, ça se trouve à Clisson. C'est où Clisson? En Normandie, en Bretagne. Attends, non, faux. En Bretagne, si, si, si. Faux. Clisson, c'est en Bretagne. C'est dans le 44, la Loire-Atlantique. Voilà, et c'est en Bretagne. C'est les pays de la Loire. Ah bon, d'accord. Voilà. Bon appétit, bien sûr. Mais historiquement, c'est la Bretagne. Il va pas me laisser parler ce soir. Il a pas décidé. Le groupe a été créé donc pour Alestorm en 2004 sous le nom de Battle Earth. Jusqu'en 2007, il s'est appelé comme ça. Et la signature chez Napalm Records, eh ben, le groupe s'est appelé Alestorm, puisqu'il existait déjà certainement un Battle Earth. Ah non, non, non, c'est parce qu'il y avait Battle Storm chez Napalm Death, et donc ils ne voulaient pas que ça fasse confusion, et donc ils leur ont demandé de changer de nom. Voilà, et le premier album est sorti en 2008. Nous enchaînons ensuite avec un groupe australien, enfin c'est plutôt le groupe d'un guitariste, ça s'appelle Phantom MKV, ou MK5, comme vous voulez, MK5. Ça s'appelle One O'Clock, le titre que je vous propose de découvrir. Et le guitariste s'appelle Chris Broadbanks. Il a été souvent, comparé à Monsieur Richie Blackmore. Ce sera un petit peu le Richie Blackmore de Deep Purple, bien entendu, et de Rainbow. Et de Blackmore's Rainbow. Le Richie Blackmore australien, apparemment. L'album sort chez Bad Reputation le 7 juin, cette fois-ci. Donc, tu vois, il y a bien des sorties tous les 7. De 7-17. Ça doit porter bonheur. Hein. 7-17, ouais. Et l'album contient 10 titres. C'est du pur hard rock australien. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose qui devrait vous plaire. Les influences Deep Purple, Dio, Whitesnake, Rainbow. Donc, je pense qu'il pousse même jusqu'à Uriah Heep. Hein. Et ça a été créé par le guitariste donc Chris Broadbank. En Australie. Nous vous laissons avec de la musique. Nous allons vous rappeler le numéro de téléphone, puisqu'il y aura des places de concert ce soir à gagner, à rafler. Et ce seront les plus rapides qui les auront. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Il faudra nous envoyer quand même une photo de... Alors, on a fait quoi? On a fait la tête, on a fait les mains, on a fait les pieds, de vos genoux. Voilà. Il faudra une photo de vos genoux par SMS au 06 81 01 28 34 06 81 01 28 34. Allez, pour envoyer une photo de vos genoux à Phil. Attends, pas maintenant, tout de suite, hein, puisque ce sera tout à l'heure, parce qu'il y aura des... Donc commencez déjà à prendre des photos de vos genoux. Attention, hein. On veut les deux. Ouais, on veut des beaux genoux. Hein. Ouais, on veut les deux. Si vous avez des genoux cagneux, on n'en veut pas. Attention. Ouais, hein. C'est bon, on a Madeleine déjà. Et on part tout de suite en musique avec Orden Hogan. C'est parti. shower we're gonna take in. And then that hot tip off the coast, honey, gonna make the most. We're on the road from 1 o'clock. Retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock 4 Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz en direct du Québec. Alors là-bas, c'est de 13h30 à 15h30. Voilà, et on salue bien bas tous nos cousins canadiens. Tu changes des heures toutes les semaines, toi ? Non, c'est ça, c'est 13h30. Ah oui, c'est quand il y avait le changement d'heure. Et tu me le refais toutes les semaines aussi, toi. Faut arrêter de boire, hein. C'est mauvais, hein. Vous avez vu, l'alcool, c'est pas bon. Bon, Ordon Ogan, suivi de Alestorm, et on vient de finir avec Phantom MKV. Voilà, et j'espère que vous avez bien entendu les réminiscences un peu 70, un peu Rainbowienne et Deep Purple-esque, et Uriah Heep. Hein, voilà, j'espère que vous avez bien entendu tout ça. Eh bien, on va passer à la suite de la programmation. Et juste avant ça, on va vous parler de ce que l'on entend au fond sonore. C'était nos invités d'il y a... quoi, un mois ? 15 jours. 15 jours ? C'est 15 jours, One Last Shot ? 15 jours ou 3 semaines ? 3 semaines, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, il n'y a pas très longtemps. En tout cas, c'est One Last Shot. Et donc, ils seront en concert demain soir. Ne les ratez pas, c'est à la Boule Noire. Ils ne seront pas tout seuls, ils seront avec... Hell of a Ride. Frantic Machine. Et Flayed. Voilà. Et nous y serons également. N'est-ce pas, Tom ? Yes. Ouais, d'accord. C'était la Boule Noire. Oui, Tom. À Paris. Ouais. Métro. Pigalle. Bien. Ouverture des portes. 18h30. 19h. Je sais pas. Voilà. Alors que t'as tous les concerts sous les yeux, normalement. Oui, mais chaque semaine, il me dit, tu peux me faire une fiche avec des concerts. Alors, j'ai fait une fiche avec des concerts. Puis après, il me dit, ouais, mais je sais pas. Déjà, je te dis pas ça, June. Et puis en plus, c'est pas marqué. La prochaine fois, tu regarderas ta. C'est pas marqué, mais c'était fait exprès. Voilà, c'est pour voir si tu suivais. Bon, allez, nous allons continuer avec encore des nouveautés. Et cette fois-ci, nous partons, eh bien, justement, au Canada. Avec Proto-Séquence. Caribou. Alors, c'est pas tiré de leur tout dernier album, puisque le dernier album va sortir très bientôt, mais du EP précédent. Il s'appelle Schizophrène. Et le titre que je vous propose d'écouter ce soir, c'est Guardian. Alors, c'est tiré d'un EP 4 titres sorti en 2016. C'est du Death Technique et ils nous viennent de Edmonton, dans l'Alberta. C'est pour les fans de After the Burns, Ruins of Saturn ou All Shall Perish ou Angus Burn Red et voilà, ce sera tout ce que je vous propose de découvrir. Burn of Osiris. Oui, Burn of Osiris également. Et surtout, ils seront en concert parce que on donne des concerts à Paris, mais on va donner des concerts aussi au Canada. Alors, mon cher Tom, ils seront le 10 juin. À Obosford. Obosford. Le 11 à Victoria. Le 12 à Nanaimo. Le 13, ils seront à Vancouver. Le 14 à Calgary. Le 15 à Grande Prairie. Et le 17, ils reviendront dans leur pays à Edmonton. Ok. Et sur certaines dates, ils seront avec un groupe qui s'appelle Plague Bringer. Plague Bringer. Voilà. Donc voilà, on a tout dit hein, sur ce groupe. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre Moi, j'irais bien à Edmonton si tu me payes la place, parce que rendez-vous pub, ça peut être sympa. Ah oui, le rendez-vous pub, le dernier jour, donc le 17 juin. Ouais, parce que ça sera en plein Hellfest. Non, toi, tu vas aller au Hellfest, c'est mieux. Non, non, je préfère aller là-bas. Tu préfères le Canada si tu es plus frais. Il fait un peu plus frais. Ceci dit, d'ici la fin du mois de juin, donc un mois, ouais. On peut se taper, enfin d'ici 15 jours plutôt, on peut se taper une grosse fraîcheur. C'est pas faux. Allez, proto-séquence, on vous en reparlera parce que quand l'album sortira, je crois que ça doit sortir au mois de septembre, donc on vous en reparlera à ce moment-là. Là on en a passé parce que justement il y avait une petite tournée et il nous a semblé intéressant d'en parler. Nous continuons avec un groupe qui va vous rappeler quelque chose. Alors c'est S.Aint, ça dépend comment vous le prononcez. L'album s'appelle First Blood, donc vous l'avez deviné, c'est leur premier album. Le titre c'est Engage, le titre du morceau qu'on vous diffuse ce soir, une autoprod qui est sortie le 26 mai. C'est tiré d'un premier EP 4 titres. Et ils nous viennent du Pays Basque, de Bayonne exactement. Et si je vous dis Jumperless, est-ce que ça vous dit quelque chose, groupe des années 90 ? 50 ? Non, ouais, d'accord. C'est donc avec l'ex-chanteur de Jumperless, Monsieur Chris Chambers. Et c'est donc un quartet heavy metal powerful. Powerful smash metal. Smash metal, voilà. Alors tout un programme. Vous allez voir, vous allez pouvoir retrouver la voix de Chris. Et puis surtout, bah, c'est assez sympa hein, comme groupe. Pareil, on essaiera de faire une petite interview à la sortie de l'album. Justement, si on l'a en interview, je lui demanderai Pays Basque, français, Bayonne. Mais il chante en anglais, quoi. C'est même pas du Pays Basque. Non, il chante en français, regarde, c'est marqué Engage. Avec First Blood. Et le nom S8. Voilà, tu fais. Mais voilà quoi! Toujours en train de râler toi, dis-toi! Jamais content? Je suis contradicteur. Ouais, d'accord. Et nous continuerons avec Venkom Silence! Ah, tiens, ça serait bien ça! Hein? Quand le silence arrive, monsieur Tom! The Dead Cry for No One, ça c'est le titre que je vous propose de découvrir, tiré de leur Advance Step 2017. Donc ça veut dire que l'album n'est pas sorti. Il arrive en kit le silence. Ouais, tout à fait. Ça sortira chez Nuclear Blast en 2017, donc en deuxième semestre 2017. Ils nous viennent de Suède, de Stockholm exactement. Toi qui voulais de la fraîcheur, envela mon chat. Ah, j'ai du kit aussi. T'as tout en kit. C'est le quatrième album qui va arriver donc. C'est du punk dark wave. Et ben voilà, je crois qu'on a quasiment tout dit. Les concerts, yes. C'est après. Alors restez bien à l'écoute parce que les concerts à gagner, c'est juste après. Donc on vous laisse avec Proto-séquence. Proto-séquence. Essaint et Zen comes. Allez, c'est parti, musique. Enfin, quand Tom voudra. Beating of contained and so- attach. Luxury looks behind many faces. Swallow the good in your face. Can't take you in the air and now. No, it's too late, I feel it came late. Just relax, you feel no pain. King of the rockers, we'll push from. Fork, man, fork, and practice. Bounce, don't, pose, recase. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show avec Phil et Tom. Ça va, Tom ? Ça va, Tom. Ouais, non, Tom, ça bat, Tom. Attends deux secondes. Où il va ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Tom est parti. Ah oui, d'accord, ouais, j'ai compris. Alors là, voilà, ça y est. Bon, je crois qu'il a pété les plombs. Il est plus tout seul dans sa tête, hein. Alors il va battre. Allez, ça bat, Tom. Allez, vas-y. T'écoute. Voilà, t'es content ? Ça bat, Tom. Ah, d'accord, c'est bien. Allez, nous venons d'écouter Proto-Séquence. On n'a rien bu, hein, je vous promets, on a bu que du jus de pomme. Proto-Séquence suivi de S.A. Tu peux pas attraper quand je lance un truc ? Non, parce que je te regarde pas. Et Then Comes Silence. Et selon Tom, Then Comes Silence, ça ressemblait à... J'ai rien dit, moi. Il a dit, ça ressemblait à... J'ai rien dit. À qui ? À l'autre qui saute les haies, c'est ça ? Et pas que les haies, les petits-enfants aussi ? Hein ? Jean-Luc, là, d'accord, ok, d'accord. Tiens, prends ça, hein ? Voilà. Oh là là. Quel cadeau. Oh là là là là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un dinosaure. Non. Touche-la, regarde, touche-la. Là, tu vas reconnaître. Là, voilà. C'est un cheval bleu. Oui, non, il y a quelque chose sur la tête. C'est pas un cheval. Ah, c'est une licorne. C'est une licorne bleue. C'est qui a demandé une licorne? Ah, c'était... Ah, voilà, ah ouais, t'as... Ah oui, il y a des ailes en plus. Il y a des ailes. Et puis il a une grande queue. C'est qui a demandé ah, une peluche? Ah, c'est Tom. C'est qui a demandé une peluche en licorne? Ouais, bon, c'était une blague. Merci, Tom. Merci. Ah bah, tu l'as. Bah voilà, ouais. Je l'ai. Et elle est bleue en plus. Ouais. Comme mes yeux. Ouais. C'est beau, hein. Bon, allez, c'est comme maintenant ça, que vous allez pouvoir... Avec, c'est ta nouvelle copine. C'est maintenant que vous allez pouvoir bien écouter et surtout envoyer la photo de vos genoux. Si c'est des filles, c'est mieux, hein, les photos des genoux. Pour l'instant, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Lumberjacks et ils seront en concert le 6... Non, le 3 juin. Le 3 juin. À Écuvilly, au Bar d'Atomique avec Subsonic, c'est ça ? Hein ? J'ai bien... Non. C'était en 2014. Ah d'accord, ok. Donc, ils seront tout seuls, alors, on va dire. Hein ? Apparemment, on n'a pas trouvé des infos comme quoi ils seraient accompagnés. Bon, tant pis. Si vous cherchez sur Facebook, peut-être que vous trouverez l'info. Voilà. Sinon, nous allons passer à des nouveautés, mais des nouveautés de groupe... Alors attends, c'est maintenant ou pas ? Je me rappelle plus. Concert le 22... Non, c'est peut-être pas maintenant qu'il y a des places à gagner. Non, ce sera peut-être tout à l'heure. Je me suis planté. Oui, ah, oui, ce sera tout à l'heure. C'est tout à l'heure ? Ah ouais, mais vous pouvez préparer vos genoux, ouais, encore. Préparez vos genoux. Parce que je crois qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas mis assez de maquillage. Et peut-être que Tom vous chantera « J'aime tes genoux ». Je fais caca partout. Non, ça faut pas le dire. Je la connais même pas celle-là. Tu la connais pas ? Bon, bah écoute. Pas assez. Shame on you, tu connais pas ? Et aussi. C'est j'aime tes genoux en français. Ah, ouais, d'accord. Enfin, bref, c'est pas grave. Red Beans and Pepper Sauce. Alors, ça va être piquant, puisque l'album s'appelle Red. Et le titre que je vous propose de découvrir, c'est le titre qui ouvre leur album. Ça s'appelle Bad Quarter Moon. C'est sorti chez Crossroad Records. Enfin, ça va sortir chez Crossroad Records. Alors, tout à l'heure, on était vachement en avance. Là, on est ultra en avance. Ça sortira le 21 septembre 2017. Yeah. Voilà. Ce sera pour la rentrée. Et encore, la rentrée, elle sera finie. Oh, oui, au 21 septembre, ce sera fini la rentrée. Hein. C'est un groupe qui nous vient de Montpellier. Ils nous font du rock blues à chant féminin. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai bien craqué. Et surtout, ils seront en concert dans la région parisienne, puisque ce sera à Disney Village le 24 juin à Marne-la-Vallée. Donc ne les ratez pas. Ça peut être très intéressant. Je crois que je suis pas libre le 26, le 24. Dommage. Je serai dans le 91 le 24 juin. Je vous raconte ma vie, mais j'avais envie. Donc je serai près de Brétigny-sur-Orge, donc je ne serai pas à Disney Village. Mais en tout cas, allez les voir. Je vous rappelle, le nom du groupe s'appelle Red Beans and Pepper Sauce. Voilà. Qu'est-ce qu'on va vous passer ? Bah, la suite, encore un groupe français, s'appelle Born Again, sorti chez Massacre Records le 15 février. On n'avait pas reçu l'album encore, donc on ne voulait pas seulement maintenant. Born Again, et c'est tiré de leur album Strike with Power. Et le titre que je vous propose de découvrir, My Dear Tom, Angel in Black. Bravo. L'album, c'est le premier, il fait 10 titres. Pesant son. Comment ? Pesant son. Besançon. Besançon. Ils nous viennent de Besançon et c'est un quartet de heavy metal qui s'est formé en 2016. C'est tout jeune, c'est bien parce que le premier album déjà des titres. Non, c'est bien. C'est cool. L'album est pas mal. Bon, ça ressemble un petit peu. On est dans la lignée un petit peu Motorhead et tout. C'est pas mal foutu quoi. C'est à découvrir. Nous enchaînerons ensuite avec Wild, W-I-L-D, puisqu'il y a des points entre chaque lettre. C'est tiré de leur dernier album, Purgatorius. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle... Purgatorius. Bien Tom, bien, bien. Je te répète. Sorti chez Overpowered Records le 26 mai. Et ils nous viennent du Nord, ils nous viennent de Douai, je crois. Et ils nous font du trash death metal. Et ils se sont formés en 2000. Donc voilà, on vous laisse découvrir tout ça. On vous rappelle le numéro de téléphone pour tout à l'heure. Parce que ce sera dès qu'on reprend l'antenne. Hein. C'est... Dès que tu finis, dis allô. Et eh ben, faut qu'on ait un numéro de téléphone. Ouais, allez. 06 81 01 28 34. Musique. C'est presque bon, tu vois. Le mou, il était presque là. We'll be right back. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. Il est 20h15 ici en France. Mon cher Eric Flynn, nous te saluons bien bas, car Eric de Radio Biz héberge depuis maintenant pas mal d'années hein, le Rock for Show. Enfin, en tout cas, il le diffuse partout, hein, dans le monde entier. Grâce. Everywhere in the world. Everywhere, yes. Donc, nous avons aussi, petit aparté, nous avons la présentation officielle de la nouvelle compagnie. La nouvelle Flynn, mascotte. Qui s'appelle Licorne avec deux corps. Ouais, caca. Comme Québec. Ah non, Québec c'est du cul. Québec c'est du cul. Ouais. Allez, donc vous pouvez aller lui dire bonjour. Vous pouvez faire des gros likes, des gros bisous et voilà, tout ce que vous voulez sur la page Facebook. Pas de soucis. Allez, nous avons donc écouté mon cher Tom Red. C'était ça. Red Beans and Pepper Sauce. Suivi de Born Again. Et on vient de terminer avec Wild. Et ce que vous entendez en fond sonore, c'est nos amis de toujours. Yann Armellino et Al Buccio. Yann Armellino qui a composé le générique du Rock for Show, hein, que vous entendez depuis pas mal d'années maintenant. Et ben, c'est Yann Armellino qui l'a composé. Je crois que depuis 2008, vous l'entendez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Eh bien, qu'il y a des places de concert à gagner pour Yann Armellino et Al Buccio. Ils viendront vous présenter leur nouvel album Better Way, qui est sorti chez Nota Bene en 2016. Et le concert aura lieu donc jeudi prochain, le 8. Et jeudi prochain, vous savez quoi ? Eh ben, c'est... Bah non, parce que t'as pas le droit de dire, faudra attendre jeudi prochain. Vous savez quoi ? Bah c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ouais. J'ai le droit de dire que c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ah oui, t'as le droit de dire que c'est l'anniversaire. Alors c'est l'anniversaire de beaucoup de monde. Alors, t'arrêtes s'il te plaît. Hein ? Bon, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Voilà. Et chercher ce quelqu'un. Et donc, Yann Armellino et Al Buccio seront donc en concert à La Boule Noire le 8 juin à Paris. Donc pour gagner vos places, envoyez-nous une photo de vos genoux. Eh, 06. Je ferais bien un billard, tiens. 06 81 01 28 34. Voilà, donc pour aller voir Yann Armellino et Al Buccio le 8. Vous allez pouvoir également aller voir le 7. Alors là, c'est encore un. Hein, c'est le 7, c'est chaud 7. Ouah. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, celle-là. Vous pourrez aller voir. C'est pour Dizzy. Ça que ça va, parce que sinon j'aurais déjà coupé le micro. Hein. Vous pourrez aller voir Dizzy, Miss Lizzy, qui seront en concert, toujours à La Boule Noire, c'est bien ça, hein, mais le 7. Oui, et c'est deux places à gagner. Voilà, au 06. 80 01 28 34. Et Dizzy, exactement. Miss Lizzy, qu'on entendra avec leur single, enfin leur titre Forward in Reverse. Non, c'est pas du tout. Si. Non, c'est Love at Second Side. Excuse-moi. Extrait de leur album Forward in Reverse. Voilà, j'aimerais bien que tu suives un petit peu. Sorti chez Columbia en avril 2016. C'est le troisième album du groupe ? Oui, 12 titres. Et ils sont formés en 1988. Trois albums, 1988, ça tâte quand même. Et ils font du hard rock. Hard rock. Et ils sont. Ouais, mais je pense que c'est. Je pense que ce sont trois albums qui ont été distribués en France. Je pense. D'accord. Parce que je sais qu'ils ont sorti des lives aussi, des EP, enfin bref, ils ont sorti pas mal. Les EP, c'est pas forcément des... Non. Mais ils nous viennent de Copenhague. Voilà, ils seront donc en concert le 7 juin à Paris, à La Boule Noire, et 06 81 01 28 34. Vous nous envoyez une photo de vos genoux et vous raflez une place pour aller les voir. Nous enchaînerons avec Solar District, qui sort son nouvel... oui, c'est un album, je crois, qui s'appelle Proxima. C'est un album ou un EP, je m'en rappelle plus. Enfin bref, ça s'appelle Proxima. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est Tonight, sorti chez Black Desert Records. Ça sortira le 30 juin. Ils nous viennent de Nantes. Ah, et Nantes, c'est où ? En Loire-Atlantique ! C'est dans le 44. Loire-Atlantique. Et ils nous font du rock électro. Et donc le concert aura lieu au Ferrailleur le 30 juin. Nous Ferrailleur, c'est à Nantes, hein, pour dire. Oui, c'est ça, bah, c'est ce que j'ai dit. Non, parce que t'as dit, ils venaient de Nantes et ils seront en concert au Ferrailleur, mais t'as pas dit que oui, c'était à Nantes. Oui, à Nantes, d'accord. Et donc je crois qu'on a reçu déjà une première photo, on va regarder ça tout à l'heure. Et nous enchaînerons ensuite avec Wicked, sorti de leur dernier album qui s'appelle... Crawling Back. Exactement. Ils ont sorti un EP à sorti le dernier album qui sort demain. Ça sort demain ? De juin 2017. Et le titre que je vous propose, c'est le titre éponyme, Crawling Back. On n'a pas été chercher bien loin, mais on aime bien. Et ils nous viennent de Brest en Bretagne. Ah, hein, bien, là c'est bien. Ah, 10 sur 10. Là c'est bien. Et Brest, c'est quoi? C'est 56? Non, c'est 29. Finistère. C'est 29, ah, c'est Finistère. 56, c'est 20. Morbihan. Hein, c'est Lorient, Vannes, ouais, c'est le Morbihan, voilà. Voilà, et ils nous font du rock and roll. C'est pas mal, c'est pas mal à découvrir. Donc on vous laisse. Ils seront en concert. Ouais. C'est bah, ça je l'ai dit, non, non, non, non, je croyais qu'ils étaient en concert au week-end, mais non. Non, non, non. Enfin, peut-être, sont... mais pas, on les a pas annoncés. Non, on les a pas annoncés, mais ils ont sorti un premier album. Non, Brest, rock. Non, non, c'est tout ce que j'avais à dire. Brest, sur, rock, ça va ensemble. Sur Wicked, c'est tout. Donc on vous laisse avec de la musique et surtout, vous pouvez rafler des places pour Dizzy Miss Lizzy le 7 juin. Dizzy Miss Lizzy. Oui, Dizzy Miss Lizzy. Le 7 juin. À la Boule Noire. À la Boule Noire. Et également pour Yann Armelino et El Bucho le 8 juin à la Boule Noire. Tu payes l'hôtel sur place. Allez, on envoie la musique. C'est parti. Mind-toi.

Radio. Vous êtes bien à l'écoute du Rock for Show et vous écoutez en fond sonore le groupe Nowhatter. Nowhatter, qui nous sommes en direct de Pékin. Putain, mais il me coupe la parole à chaque fois. Je suis lancé sur un truc. Putain, mais c'est pas possible. Pour dire des conneries, en plus, c'est pas Pékin, puisqu'ils nous viennent du Moyen-Orient. Ils nous viennent pas de Pékin. C'est pour espèce de Pékin, va. Je te jure, celui-là, alors. C'est un groupe qui était sorti, qui est sorti chez MEO Music et que vous allez pouvoir retrouver, bien évidemment, au Hellfest. Comment ça s'appelle ? Session live ? Hellfest Session. Voilà, ce sont les Hellsessions. Alors, où j'en suis où ? Parce que là, du coup, j'ai perdu le fil de tout ce que je voulais dire. Merci, Tom. Merci. Alors là, hein, je dis merci, c'est Tom. C'est sorti en 2016 chez MEO Music. Merci. Voilà. Donc, ils seront le jeudi 15 à 18h30. À 18h30. Voilà, sur donc, la scène qui se trouve devant le Leclerc de... à Clisson. Bien. Juste à côté du rond-point avec la guitare. Bref, Clisson qui se trouve dans le 44, Loire-Atlantique. Région Pays de Loire. Pays de Loire, voilà. C'est bon ? Grand Ouest. Voilà. Et vous venez d'écouter beaucoup de choses, notamment Dizzy Miss Lizzy, pour qui vous pouvez gagner des places qui seront en concert le 7 juin à La Boule Noire, suivi de Solar District et Wicked, juste un instant. Voilà, donc vous pouvez encore rafler des places pour aller voir Yann Armelino et Dizzy Miss Lizzy en nous envoyant une photo de vos genoux, on dit bien de vos genoux, oui, parce qu'il y en a de qui vos genoux, hein, de vos genoux. Il y en a un qui nous a envoyé une photo, mais on voyait tout sauf ses genoux. Alors, merci. Après, il nous envoie une photo des genoux de sa femme. Quel escroc, celui-là, il va se reconnaître en plus. Il va se reconnaître, hein. Escroc. Mais par contre, on souhaite un bon établissement à sa fifille, puisqu'on a appris qu'elle était rentrée à l'hôpital. Donc, Chris, on est avec toi. Bon courage. Voilà, bon courage. Et donc, vous pouvez, au 06 81 01 28 34, nous envoyer la photo de vos genoux pour rafler des places pour Yann Armelino ou Dizzy Miss Lizzy. Nous allons continuer avec des choses un peu plus rentre-dedans, beaucoup plus rock déjà, des choses qui sont plus rock for show. Et nous allons commencer avec System of a Down, tiré de leur deuxième album Toxicity, c'est Chop Suey. Hein, c'est pour ça que tu voulais tout à l'heure me dire qu'il venait de... Hein, du Japon. Non mais oh, n'importe quoi. Enfin bref. Deuxième album, ça sort, c'est sorti chez Columbia en 2001, Odyssée de l'espace bien évidemment. 5 albums studio pour ce groupe qui est de néo-metal qui s'est formé en 1994 aux États-Unis à Los Angeles. Ils seront donc au Download Festival le samedi 10 juin. Voilà, donc c'est bientôt puisque c'est la semaine prochaine le Download. Et nous enchaînerons ensuite avec Alter Bridge qui eux cumulent. Ils seront aussi bien au Hellfest qu'au Download. Tiré de leur album The Last Hero, le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Crows on the Wire. Ça vous, c'est ce que ça veut dire ? Non mais tu vas me le dire. Eh bien, ce sont les corbeaux sur le fil électrique. Eh ! T'en apprends des choses quand même. Ouais, non mais c'est bien, là je te... Je tire mon chapeau, je te salue. C'est sorti chez Napalm Records en 2016. C'est le 6e album du groupe qui contient 14 titres. C'est un quatuor qui s'est formé en 2004 avec Marc Tremonti qui a sorti un très très bon album dont on vous a pas mal diffusé d'extraits. Marc Tremonti à la guitare qui est un ex-Creed. Scott Phillips à la batterie qui est un ex-Creed. Miles Kennedy qui fait le chant aussi pour Slash et qui est aussi un ex-Mayfield Fowler. Et Brian Marshall à la basse qui est aussi un ex-Creed. Donc 3 ex-Creed pour former Alter Bridge. Ouais, c'est beaucoup de ex-Creed. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils nous viennent de Tallahassee. Tallahassee où ? En Floride. Non, sur ton cul. Aux États-Unis. Oui, Tallahassee, effectivement, en Floride. Ils seront donc au Download le samedi 10 et au Hellfest le dimanche 18 juin. Tout ça. Voilà. C'est beau, non ? Yeah. Et nous finirons cette plage musicale avec le groupe. On a commencé avec du commercial, on finit avec du commercial. Aerosmith, mais oui, avec tiré de leur tout dernier album sorti en 2012 qui s'appelle Music from Another Dimension et c'est le single Legendary Child que l'on va vous passer ce soir, sorti chez Columbia le 6 novembre 2012. C'est le dernier album studio du groupe qui contient 15 titres. Le groupe s'est formé en 1970 à Boston, aux États-Unis, bien évidemment. Et ils seront donc au Hellfest pour une tournée d'adieu, mon œil, le samedi 17 juin. Ouais, c'est ce que je voulais te demander, ça fait combien de temps qu'elle dure ? Je sais. Non, on les a pas vus trop quand même. Hein. Ils ont annoncé qu'effectivement c'était la fin de leur carrière là en 2017. Alors continueront-ils à sortir un album ou pas ? On n'en sait rien. En tout cas, apparemment, ce serait la tournée d'adieu de Aerosmith. C'est bien dommage parce que c'est vraiment un groupe qui se donne à fond sur scène. Oui, en même temps, c'est toujours aussi bon. Sur un dernier concert de 2012, leur dernier album. Ah, le dernier album, oui. Studio. S'il y a eu des lives entre temps. Ouais. Ça fait quand même 5 ans, quoi. Clairement, oui, mais en même temps, quand ACDC sort un album, c'est une fois tous les 5 ans. Metallica, une fois tous les 10 ans. Enfin, tu vois. Hein, oui, c'est oui, pas, c'est pas énorme non plus. Hein. Voilà, donc on vous laisse en musique avec System of a Down, Alter Bridge et Aerosmith. Et on vous rappelle le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. On veut voir vos genoux. Musique. sans son concertine. Elle joue avec nos cœurs, elle joue avec nos peurs, elle joue avec nos nerfs quand elle nous fait la guerre. Heureusement pour la fin du... Ah non, c'est pas du tout, il y a le rock'n'roll heureusement, hein. C'était Océan. Océan, une montagne de rock'n'roll pour rafraîchir vos ardeurs si vous n'allez pas au Hellfest, puisqu'ils seront en concert à la Dame de Canton le 16 juin à Paris, bien évidemment. Allez faire tanguer la Dame de Canton, allez, allez. Accompagné de Irmin Soul, voilà leur album, c'est la fin. Bah ça tombe bien parce que nous aussi ça va être la fin de l'émission. Sorti chez FGL Axe Killer en 2015, excellentissime album, et ils étaient présents bien entendu au Paris Metal France Festival. Juste avant ça, nous avons pu entendre System of a Down, suivi de Altered Bridge. Yes, Altered Bridge. Et pour terminer, Erasmus. Merci Tom. Erasmus. Eh bien, il est 21h15 ici, in France. France. Paris. Paris, France. Hein. Paris, capitale, France. Paris, capitale, pays, France, Europe, continent européen. Exactement. Où bientôt nous allons voter pour les législatives. Hein. Ça va être cool. Ouais, ça, on parle pas de politique. Moi j'ai la boulangerie en bas, j'ai cherché un Macron. Merde, un Macron. Ouais. Et donc, eh bien, nous allons vous proposer encore deux titres musicaux pour cette émission du Rock for Show. Alors, un titre français, enfin un groupe français, et puis un groupe américain. On a passé beaucoup de groupes américains quand même ce soir. Hein. Ouais, Canada, Amérique, là vous êtes continent américain, voilà. Nord-américain, vous êtes contents là, ce soir. Là quand même. Il va falloir nous donner un peu d'argent parce que l'économie citoyenne, on a du mal. Hein. Mais bon, nous allons parler donc d'un groupe français qui sort son deuxième album, ça s'appelle Backroads. Et il y a une charmante chanteuse qui emmène le groupe. Donc ils se sont pas foulés quand même, hein, parce que le deuxième album s'appelle Backroads 2. Bah, tu veux dire, y en a qui n'ont pas fait mieux. Hein, oui, hein, Bagdad Rodeo 1, 2, 3. Hein, 1, 2, Ludo, 3, sérieux. Ludo. Non, mais il a dit de toute façon le prochain il s'appellera 4. Alors. Et ça sera le titre Frénétique Trafic. Pour le titre que nous allons écouter de Backroads. Et Frénétique Trafic, c'est un petit peu ce que je vais reprendre pour rentrer chez moi tout à l'heure. Hein, je pense. C'est le deuxième album de heavy rock au chant féminin, formé en 2012, et ils nous viennent de La Rosette. De La Rosette. Ah, Lyon, oui, bah non, mais c'était sur une autre page, j'ai cherché, mais c'est où? Ils nous viennent de Lyon, hein, mais voilà, pour nous vous faire rugir de plaisir, Backroads. Nous enchaînons ensuite avec quelque chose de beaucoup plus couillu, beaucoup plus... Je crois que ça doit être le titre le plus extrême de la soirée, peut-être. Hein, ouais, c'est pour vous faire quitter la radio, c'est bon, on a pour vous show, faire partir en week-end, parce que pour nous, le week-end commence ce soir. Hein, pour toi, le week-end commence ce soir. Tout le monde n'a pas sa chance de pouvoir prendre 5 jours au lieu d'en prendre 15. Ouais, bah, écoute, hein, c'est crevant aussi le Rock for Show, donc faut bien que je me repose un petit peu dans mon jardin, les couilles à l'air. Et donc vous écouterez Tombs. Ah bah c'est pas comme ça que tu vas faire rougir ton matin. Tombs, ça aurait pu s'appeler Tombs, mais non, c'est Tombs le groupe. Tiré de leur tout dernier album qui s'appelle The Grand Annihilation. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est Old Wounds. Et c'est sorti chez Metal Blade, bien évidemment. Ça sortira le 16 juin. Donc on est un petit peu en avance pour vous présenter ce cinquième album. Studio qui contient 10 titres, c'est du black progressif. Bah tiens, je vais le dédicacer à, comme ça, à Hervé, il se reconnaîtra, hein, mon bon Hervé que je t'ai pas contacté depuis un sacré bout de temps. Eh bien, c'est du black progressif, c'est pour toi. Le groupe s'est formé en 2007 aux États-Unis, à New York exactement. Ouais, pas beau ça, tout ça, hein? Donc on va vous laisser, vous pouvez toujours nous envoyer des photos de vos genoux si vous voulez rafler des places pour aller voir Yann Armellino. Et de vos boobs aussi si vous voulez. À la Boule Noire le 8 juin. Et si vous voulez aller voir Dizzy Miss Lizzy à la Boule Noire également, mais cette fois-ci le 7 juin, envoyez-nous une photo de vos genoux au 06 81 01 28 34. Voilà, si vous n'avez pas bien compris, bon, on vous le répète, 06 81 01 28 34 06 81 01 28 34. Eh bien, puisqu'on fait plus fort que Tom, eh bien 06 81 01 28 34. Et plus fort que Tom qui fait plus fort que Phil qui fait plus fort que Tom, donc 06 81 01 28 34. Bon, sérieux. Bon, hein. Cette fois-ci, vous le connaissez le numéro. Bon, en tout cas, On va vous laisser écouter de la musique, puisque Backroads, c'est vraiment excellent, c'est du rock and roll bien, bien puissant. Et puis le Black Progressif avec Tombs. On se retrouve la semaine prochaine. Après, on vous mettra un petit titre d'interlude gentil. Ouais, on verra. En tout cas, sachez on ne reviendra pas. Voilà. C'est la fin, puisque ils l'ont annoncé. Hein, c'est le titre de leur album, Océan. Ne les ratez pas le 16 juin sur la Dame de Canton à Paris. C'est sur la péniche, la Dame de Canton. Donc, ça va être une sacrée soirée. On se quitte, mon cher Tom. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le rock for show. À la semaine prochaine. Bye bye. Change.